Bonsoir. Dans Autant en emporte l'histoire aujourd'hui, Georges Sand, 1837, un été à Nohant. La maison de Nohant dans le Berry aurait pu être celle de son asservissement. Si elle avait suivi son destin, Aurore Dupin, épouse d'un homme violent et volage, aurait dû vivre la vie morne et domestique de beaucoup de femmes du 19e siècle, interdites de divorce par le code civil. Mais Aurore Dupin en décide autrement. Elle part à Paris en 1830, prend des amants, publie son premier roman sous le nom qu'elle s'est choisi, George Sand. Et en 1836, après un long combat, réussit à se séparer de son mari et récupère ses enfants ainsi que sa chère maison de Nohant. Si Nohant est indissociable de George Sand, c'est parce qu'elle en a fait le point d'ancrage de sa vie. Mais surtout, elle en a fait le lieu de son utopie, une oasis de création et de liberté, ouverte aux amis, aux amants et aux artistes de passage. Une communauté égalitaire abolissant tout lien de maître à valet. Un lieu joyeux, bruissant de musique, de jeux d'enfants, de discussions politiques, où même les animaux ont leur place. Mais cette liberté, George Sand le sait, est fragile. 14 juin 1837, c'est une journée dans la nouvelle vie de George Sand que je vais raconter ce soir. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Michel Perrault, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Les auditeurs de France Inter et d'Autant porte l'histoire vous connaissent bien. Vous êtes historienne, spécialiste notamment du 19e siècle et de l'histoire des femmes. Vous connaissez bien George Sand, une femme et une écrivaine que vous avez contribué à faire mieux connaître. Et vous venez de publier un livre sur George Sand à Nohant. Vous savez mieux que quiconque, Michel Perrault, à quel point le lieu traditionnel des femmes, c'est l'intérieur, le lieu domestique, la maison, la chambre, par opposition à la sphère publique, longtemps réservée aux hommes. Alors, comment se fait-il qu'une femme aussi libre et indépendante que George Sand soit si étroitement liée à une maison ? Elle en a hérité, peut-être ne l'aurait-elle pas choisie. Elle a décidé d'en faire son lieu et d'en faire un lieu, comme vous venez de le dire, de création, d'ouverture, puisqu'elle l'avait en faire quelque chose. Ceci dit, il faudrait pas oublier que George Sand est aussi une voyageuse. Évidemment, moi je n'en parle pas, puisque j'ai fait le choix de la voir à Nohant. Mais c'est une femme qui a beaucoup voyagé, en Espagne, en Italie surtout, dans d'autres lieux également, et qui était au fond souvent par voie et par chemin, y compris entre Nohant et Paris. Parce que George Sand n'aime pas tellement Paris. Elle est ingrate vis-à-vis de Paris, qui l'a faite en quelque sorte. Et c'est là où elle est devenue écrivain. Elle est venue, absolument. Et elle a connu la plupart de ses amis, tous ceux qu'elle invite à Nohant. Mais voilà, Nohant, son lieu, elle en fait quelque chose, parce que c'est une créatrice. Et puis aussi, il faut quand même ajouter, elle aime la nature. Quand elle dit que le brouillard ou la neige à Paris, c'est vilain, mais que dans le Berry, c'est merveilleux, je crois qu'elle dit vraiment ses sentiments. Alors, au début de ce livre, Michel Perrault, vous écrivez que c'est en découvrant Nohant que vous avez découvert George Sand. C'est étonnant, vous pouvez nous raconter ce moment ? C'était il y a bien longtemps, j'ai épousé un berrichon. Nul n'est parfait, et dont la maman habitait Châteauroux. Et dès que nous avons eu une petite voiture, on a exploré les environs. Donc ce fut un but de promenade dans les années, je ne sais pas, 1960, quelque chose comme ça. C'était une grande maison un peu abandonnée, un peu délabrée, où nous fûmes accueillis par une vieille dame, très vieille dame, qui avait un peu une allure, je l'ai pensé plus tard, de Virginia Woolf, avec des bandeaux blancs, un air distingué, une grande affabilité, et qui nous a proposé de visiter. C'était formidable, et nous avons appris ensuite que c'était la petite fille de George Sand, c'est-à-dire Aurore, comme sa grand-mère, l'autre Sand. Cette femme devait mourir un an ou deux après, elle était d'ailleurs très âgée, elle avait 10 ans quand sa grand-mère est morte en 76. C'est ça qui m'a brusquement peut-être, ou doucement, je ne sais plus, converti à George Sand. Pour moi, c'était un écrivain pas très drôle, que je ne lisais d'ailleurs pas beaucoup, et je participais au fond à la dévaluation dont George Sand a été victime après sa mort. On peut dire que c'est d'une certaine manière, le féminisme des années 70, qui l'a redécouverte, ou redécouvert, je ne sais comment dire, car elle aimait le masculin, et les Américaines ont joué un grand rôle. Maintenant, on connaît George Sand. Au moment du bicentenaire de sa naissance, en 2004, on a voulu la panthéoniser. On n'y est pas arrivé, peu importe, mais... On y arrivera. Peut-être. Et ce qui montre en tout cas le prestige qu'elle avait alors reconquis. À quoi ressemble cette maison de Nohant, Michel Perrault ? C'est une maison qui a été construite dans les années 1760, qui est une grande maison, qui est conçue avec des grandes pièces de réception, comme on le faisait au XVIIIe siècle, contre lesquelles George Sand, au fond, a lutté. Elle n'a cessé de les diviser pour créer des chambres. Un grand escalier monumental, qui avait été créé par sa grand-mère, Aurore Dupin. Un rez-de-chaussée avec une belle cuisine. Tout le monde admire maintenant la cuisine. Fameuse table de 4 mètres de long. Un salon, une salle à manger, au premier étage les chambres, et des ateliers, notamment un grand atelier pour Maurice, son fils, dont elle avait voulu vraiment faire quelque chose d'important, au point que dans le pays, on appelait ça la cathédrale. Et un magnifique jardin, bien sûr, aussi. Alors, l'histoire que je vais raconter commence en 1837. Pouvez-vous nous rappeler très brièvement quelle a été sa vie jusqu'à cette date ? Elle est née en 1804. Son père est mort en 1808. Il était officier des armées napoléoniennes. Il est mort à Nohant, d'un bête, on peut dire, accident de cheval. Sa maman était une petite ouvrière parisienne, comme on dit. C'était une mésalliance. Bon, la grand-mère, pour cette raison, a voulu élever la petite Aurore, et par conséquent, elle a passé beaucoup de temps à Nohant, jouant avec les petits paysans, sabots, etc. Et puis, sa grand-mère est morte, et sa mère n'avait de cesse que de la marier. C'est donc là qu'elle se marie avec Casimir du Devant. Ça va être une expérience difficile pour George Sand. Oui, il ne lui déplaît pas. Physiquement, il ne lui déplaît pas. Mais très rapidement, elle va voir que c'est un homme qui n'aime que la chasse, les chiens, les servantes. Alors, elle a eu deux enfants, Maurice et Solange. La situation s'est dégradée. Après la naissance de Solange, elle lui a dit « Je ne veux plus dormir avec vous, je ne veux plus coucher avec vous. » Il y a une scène violente, le 19 octobre 1835, où il manque de la tuer. Absolument. Devant des témoins. Devant ce qui va l'amener à pouvoir entamer une procédure en séparation. Parce qu'il n'y a pas de divorce, il faut le rappeler, à cette époque pour les femmes. Pour personne. Pour personne. La Révolution avait créé le droit au divorce. Napoléon l'a en partie supprimé, mais c'est surtout la Restauration catholique qui l'a supprimé, et on ne connaît que la séparation de corps, ce qui veut dire qu'on ne peut pas se remarier. Interdiction absolue de se remarier. De ce point de vue-là, la vie est terminée. L'histoire que je vais raconter dans un instant commence donc en juin 1837. George Sand est enfin libre, c'est le premier été de sa nouvelle vie. Une liberté fragile, elle va devoir se battre pour la garder. Michel Perrault, nous nous retrouvons dans une trentaine de minutes. Tout de suite, George Sand, 1837, Un été à Nohant, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Ossire. Hop, tiens, mange. Mange la mouche, pauvre petite fauvette tombée du nid. Ça fait 10 fois ce matin que je me lève de mon lit pour t'attraper des mouches. Tu fais bien d'avoir confiance en moi. La force aime la faiblesse. Et ça, c'est une chose sainte. Mais la force, est-ce que je l'aurai ? Éduquer mes enfants, tirer le diable par la queue pour entretenir Nohant, écrire le pistolet sur la tempe ? Oh, elle se pose sur mon doigt. Aïe ! J'ai trop crispé ma main sur la plume cette nuit. Je suis une vraie force à du roman. Cette liberté nouvelle est grisante. Est-ce que je réussirai à la garder ? Oh, j'aimerais tant que le piano s'éveille. Franz m'a entendu. L'andante de la pastorale de Beethoven. Ce que c'est beau. La peine s'allège quand il joue. Debout. Où est ma robe? Je voudrais faire tant de choses à Noah. Un salon comme autant des lumières. Non. Quelque chose de nouveau. Faire venir mes amis. Berlioz, Chopin, Meyerbeer et Delacroix, mon grand camarade. Lui installer un atelier. Et Balzac, on en parlait l'autre jour. Ils resteraient autant qu'ils veulent pour créer, composer, discuter. Faire de Nohant une cité des arts. Oui, c'est ça. Un havre de paix avec mes enfants. J'ai dû l'arracher, moi, ma précieuse liberté. Et je ferai tout pour qu'on ne me la reprenne pas. Juin 1837, George Sand s'éveille dans la chambre au papier bleu et blanc de sa maison de Nohant après une nuit de travail. Depuis quelques années, ses romans connaissent le succès. Elle a signé un contrat pour 2 publications par an avec un éditeur. Son indépendance financière étant assurée, elle a décidé de se séparer légalement de son époux, le baron Casimir Dudevant. Elle a bataillé pendant 2 ans. L'année dernière, en février 1836, la séparation enfin a été prononcée. Le tribunal a statué en faveur de George Sand pour injures, sévices et mauvais traitements. Le baron a fait appel. Mais après bien des tracasseries judiciaires, George Sand a eu gain de cause et repris enfin possession de Nohant. En juin 1837, c'est le premier été de sa nouvelle vie. Félicie, t'entends pas les enfants? Ils sont dans le jardin, Madame Aura. Félicie, mets les cerises au fond du plat. Je moule la farine pour l'instant. Comment va Maurice aujourd'hui? Comme vous l'entendez. Ni maux de tête, ni rhumatisme, il semblerait. Bon pour le collège. Mieux du thé. Le facteur est passé? J'attends le maître. Ah, pas encore. Ne picorez pas les cerises, on n'en aura plus assez, Madame Aurore. Pardon, je n'arrive pas à vous appeler Georges. Oh, vous n'avez pas assez dormi, vous. Oh, ma petite Françoise, j'ai travaillé jusqu'à 4 heures. Mettre dans une jatte un verre de farine, une cuillerée d'eau de vie, du sel et un œuf entier gros comme un œuf de beurre frais. Et de l'eau. Tu, t'as un filet. Ta pâte sera trop claire. C'est pas écrit dans ton cahier, ça. Je fais comme c'est écrit. Tu ne voudrais pas apprendre aussi, Françoise? Félicie et ma fille ont bien appris ensemble. Bientôt, toutes les filles seront là. Faire des pages de bâtons et de jambages. Si je peux me permettre, madame, ce qui fait la bonne cuisine, ce n'est pas la lecture, c'est le cœur. Le métier, non? Verse ta pâte, Félicie. Bas sur les guignes, pardi, c'est un clafoutis. Le métier, il se perd. Et ça me rend tristoude. Mais non, puisque c'est écrit. Dans 100 ans ou je sais combien, on pourra le refaire pareil. Le galifoutis aux cerises de Nohant. C'est monsieur List. Toujours quelque chose de travers, celui-là. J'arrive! Gardez le thé au chaud. Les enfants, toujours à courir les champs. Petite, j'étais comme ça, je ne tenais pas en place. Non, Maurice ne retournera pas au collège. Il restera ici, auprès de moi. Et je vais assurer son éducation. Le baron doit m'écrire pour donner son accord. Elle s'y est engagée la dernière fois que je l'ai vue. Il ne tient jamais parole. C'est si dur quand on est seul. Est-ce que ce serait plus facile si j'étais aimée? Franz et Marie s'aiment. Marie Dagout et son amant, Franz Liszt, sont les premiers artistes invités par George Sand à Nohant. Liszt, grand admirateur de ses romans, a rencontré George il y a 3 ans à Paris. Ce virtuose du piano vient de remporter un triomphe lors d'un concert à l'opéra devant 3000 personnes. Ce fils d'un modeste intendant de bergerie hongrois est partisan d'un christianisme social. Il a rallié les idées républicaines pendant la Révolution de 1830. Sa compagne, la comtesse Marie Dagout, partage ses idées. Liszt, grand et mince, les cheveux dans les yeux, des mains extrêmement fines, est assis au piano quand George Sand entre dans la chambre. Franz, vous m'appelez ? George, regardez le piano. En erreur, une touche vient de se décoller. Il faut appeler quelqu'un. Non. Il y a de la colle quelque part. Ma mère réparait tout. Une boîte à ouvrage, une serrure. Grand-mère disait que c'était une fée. Là-bas. Merci, Georges. Sans piano, je suis perdu. Comme un marin sans sa frégate. Ces planches de bois, c'est ma parole, ma vie. Vous avez entendu la pastorale tout à l'heure? Oh, magnifique. Aucun art, Franz, n'éveille le sentiment humain comme la musique. Je vais peut-être la jouer à Lyon, je me demande. Voilà, c'est fait. Non, attendez que ça prenne avant de vous remettre au piano. Vous partez? J'ai un concert au Grand Théâtre début août, au profit des Canus. Franz, je vous savais républicain, mais vous soutenez les Canus? Ils vivent entassés dans des réduits infects, dans une misère terrible, des âmes et des corps. Leur dignité, c'est leur drapeau noir qui proclame « vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Ils flottent encore sur la Croix-Rousse, après les centaines de morts de la Grande Grève il y a 3 ans. Oui, le progrès est lent à venir. 18 siècles après l'Évangile, c'est sordide. L'ouvrier n'a pas de lit et fabrique les tentures somptueuses où dormira la mollesse du riche. Vêtus de lambeaux, ils tissent des brocarts d'or pour les reines. À ce titre, nous sommes tous des scélérats. J'ai reçu le journal que Pierre Leroux fait là-bas. L'écho de la fabrique. Vous l'avez ici? Je le lirai. Vous avez vu Marie ce matin? Liste, je vous entends encore me dire que jamais un amour terrestre ne s'emparerait de vous. Dieu seul... Je ne savais pas que Marie existait. Et votre fille, Blandine? Quel âge a-t-elle maintenant? 20 mois. Ah, bonjour Marie. Après Lyon, nous passerons la voir chez sa nourrice en Savoie. Oui, j'ai hâte de la voir. Vous avez l'air joyeux, Marie. Le soir, on a de mauvaises pensées. Vous ne trouvez pas? Je suis meilleure le matin. Moi aussi. Vous pouvez vous remettre au piano, Franz. On se retrouve au déjeuner? Marie de Flavigny, comtesse d'Agoult, qui plus tard écrira sous le pseudonyme masculin de Daniel Stern, a fait le choix de l'amour contre celui des convenances. Elle était l'épouse du colonel de cavalerie Charles d'Agoult et mère de 2 filles quand en 1833, elle est partie vivre avec Liszt. Félicie, tu t'es blessée? Elle s'est coupée le doigt avec son couteau, cette bête-là. Attends, je vais arranger ça. Donne-moi ce tissu propre. Madame Aurore, monsieur Rollina vous cherche. Ah, François est là. Comme je me suis blessée, on l'a envoyé chercher des œufs au poulailler. Voilà. Merci. Il savait pas quoi faire de sa peau en vous attendant. Oh, bah il a dit que je pourrais pas monter aujourd'hui. Toujours pas de courrier? Non. Ah, c'est bien que François soit là. Mon double. Mon frère. Je vais lui parler de ma décision de prendre en charge l'éducation de Maurice. Je voudrais que François m'approuve. Son jugement est sûr. S'il n'est pas d'accord... George Sand emprunte la grande allée sablée à travers les plates-bandes de Reine-Marguerite. François Rollina est avocat à Châteauroux, à 30 km de Nohant. Son père lui a transmis son cabinet, mais aussi la charge de ses 11 frères et sœurs. Républicain, il deviendra en 1848 député de l'Indre. François Rollina est l'ami le plus intime de Georges. Elle traverse le verger planté de poiriers en fleurs. Le poulailler est plus loin, près d'un tonneau rempli d'eau de pluie. Bonsoir. Par ici. Oh, je suis bien contente de te voir. T'es plein de paille. Françoise en a demandé 6. Encore 2. Mets-les dans ma jupe. Tu restes un peu? Non, je venais juste te prévenir que... Reste. J'y tiens. J'ai vu Maurice courir dans le jardin. Il n'est pas au collège? Il ne le supporte pas. Il a été malade. Je voudrais prendre un précepteur. Qu'en penses-tu? Un précepteur? Ça fait un peu ancien régime, non? Là, sous la paille, il y en a un. Le collège, c'est quand même apprendre à vivre avec les autres. Ah, tu crois ça? C'est l'égalité à coups de poing, oui. L'autorité brutale, la discipline abrutissante. Ce que je veux pour mon enfant, c'est qu'on développe son intelligence, son sens de la justice, sa sincérité. La mère la moins lettrée peut y arriver. Et puis, lui indiquer ses défauts, rabattre son orgueil, ridiculiser ses découragements, et lui dire à chaque minute qu'on l'aime. Là, ça fait 6. Elles sont féroces, ces gallinacées. Et innombrables. La vieille Marie les aime tant, les gars, toutes. Il y a dans cette cour des volailles nées sous la régence. Et que fais-tu de l'émulation? Le collège, c'est ça aussi? C'est le pire. La récompense par l'ovation générale. Quel méchant sentiment. Pour en faire un citoyen sans esprit de fraternité, qui ne se dévoue à la patrie que pour la rétribution. En somme, tu m'interroges, mais ton idée est déjà faite. Au fait, dis-moi, ce n'est pas le baron qui est censé assurer l'éducation de Maurice? Je veux m'en charger moi-même. Il a dit qu'il allait y réfléchir. J'attends sa lettre. Aujourd'hui, j'espère. Tu comprends, il va donner son accord par écrit. À leur mariage, le baron Casimir du Devant avait apporté 60 000 francs au ménage. George Sand, elle, un patrimoine de 400 000 francs, comprenant des rentes d'État et des biens immobiliers. Lors de la séparation, le baron a obtenu du juge d'encaisser les loyers de l'hôtel particulier de George Sand à Paris, l'hôtel de Narbonne, ce qui lui assure une confortable rente. En échange de quoi, il s'engageait à suivre les études de Maurice au lycée Henri IV. Ah, avant que j'oublie, je suis venu te dire que... Mais tu comprends, François. Je veux garder Maurice près de moi. Je ne fais pas confiance au baron. Ça, je te comprends. Un bonhomme qui te battait... Même qu'un jour, il a été chargé son fusil pour me tuer devant tout le monde. N'est-il pas beau, le jardin? Magnifique. C'est mon père qui l'a arrangé à notre arrivée à Nohant. J'étais toute petite. Il me mettait dans la brouette et faisait semblant de me verser. Je riais tellement. Il faisait un herbier. Tu l'as déjà vu? Ah non. Il m'a appris le nom des fleurs. Je les apprendrai à mon tour à Maurice. C'est cela la vraie connaissance. Au collège, est-ce qu'on apprend le nom des fleurs? Ciseux, Françoise. Ah, monsieur François, ça. On peut compter sur vous, pas comme ces arrogants. Madame, il arrive une berline, une grande berline. Mais tu n'attends personne? Le baron du Devant, c'est sûrement lui. Mon Dieu, les enfants. Quoi, le baron? Félicie, enfermez les enfants dans leur chambre à l'étage. Je vais le recevoir. Dieu merci, François est là. C'est bien ce que je craignais. Ah, il ne prendra pas mes enfants. Rassure-toi, Georges. C'est le livreur de bière. De bière? C'est ce que j'étais venu te dire, qu'on livrait aujourd'hui. Tu te souviens? Tu m'avais dit de commander de la bière à Châteauroux. Ah oui. Mais ils vont me mettre ça n'importe où. Les tonneaux, c'est dans la cave. Félicie, fausse alerte, libérez les enfants. Qu'est-ce qui te fait croire que le baron veut nos enfants? Il a menacé de me les prendre par la force. On a eu une belle peur de la bière. Il en est capable. Tu sais, François, j'étais prête à emmener mes enfants en Amérique si le tribunal me les avait enlevés. Tu te souviens, Félicie? Sûr que je m'en souviens. Vous n'étiez pas à l'audience, alors je suis vite rentrée à la maison pour tout vous raconter. Votre avocat avait fait pleurer toute la ville avec sa plaidoirie et vous avez gagné. Vous avez gardé Maurice et Solange. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Tenez, voilà la facture pour la bière. Hein? Comment vous allez faire maintenant? Nohant, le domaine, les fermiers et tout, sans mari, avec toutes ces factures à payer. Le mariage de George Sand avec le baron du Devant se dégradait depuis longtemps. Elle inventa d'abord un pacte de camaraderie qui l'a laissé libre de ses actes. George alla vivre à Paris. Stupéfiante liberté pour une femme mariée au XIXe siècle. Mais après la violente scène où il menaça de la tuer, elle décida d'entamer une procédure en séparation. Comme le prévoit le code Napoléon, très défavorable aux femmes, les griefs de chacun des époux furent exposés en détail devant le juge. George Sand avait dû amener au procès des témoins pour prouver qu'une servante avait fait vie commune avec le baron à Nohant, le domicile conjugal. Procédure infâme, humiliante. J'ai défendu une cliente dans la même situation. L'épouse trompée doit encore s'exposer au public. Ah, je me revois encore raconter la Pépita et les autres, les orgies qui m'empêchaient de dormir. Un homme qui bat sa femme, il a tort, mais c'est son droit. S'il boit, chasse, rote et trousse les servantes, c'est un joyeux compère. Une femme adultère, elle, risque la prison. C'est pour ça que je vais éduquer mon fils moi-même, en faire un homme loyal. Quand vais-je recevoir cette lettre du baron? Ne t'inquiète pas, il finit toujours par céder. Bon, j'ai un fermier à voir dans le pays. Et s'il refuse? Il ne le fera pas par amour pour son fils, mais pour me contredire. François, est-ce que juridiquement... Nous n'en sommes pas là. Tu ne peux pour l'instant qu'attendre de recevoir sa lettre. Patience. À ce soir. Marie? Hans? Les enfants? Et si on allait se baigner après le déjeuner? J'ai dormi? Que c'est bon d'être allongée dans l'herbe. Les hautes herbes à hauteur de mon visage. On dirait des arbres. La folle avoine est un sapin, la fleur est un oranger. Oh, un lion rugissant. Ce n'est qu'un frelon. Les 20 pages de cette nuit m'ont épuisée. J'arrive à la moitié. Je l'enverrai demain. Blouse me la paiera. J'en ai bien besoin de cette somme. Est-ce que je vais tenir? Oh, je suis bien. Soleil brûlant. Tilleuls étincelants. Immobile. Un mariage. Bientôt, il y aura le chemin de fer de Paris à la Châtre. Et toutes les coutumes du pays se perdront. Cette musique joyeuse. Marie danse avec Franz. 4 mois qu'elle est ici et je ne sais rien d'elle. Je l'aime sans la connaître. Est-ce que j'aurais pu aimer Franz? Pour rendre jaloux Musset? Non. C'est un peu comme les épinards. Je serais bien fâchée de les aimer, car j'en mangerai et je ne peux pas les souffrir. Liszt, c'est pareil. Ça ne me dit rien. Il était amoureux de moi. J'ai bien fait de lui faire comprendre de ne pas y penser. Je ne veux que son amitié et sa musique. M'entourer d'artistes et être un homme avec eux, sans coquetterie. Faire de Nantes une communauté d'artistes égaux. Peut-être que je ne serai plus jamais aimée. Georges Sand, dans cet été 1837, vient de conclure une liaison mouvementée avec Michel de Bourges, l'avocat républicain qu'il a défendu lors de son procès. Les hommes font une belle ombre sur l'eau de l'Indre. Accoudé dans l'herbe, Georges sourit en surveillant ses enfants. Sur l'autre rive, Solange et Maurice s'éclaboussent en riant. Ah, elle est fraîche. Georges, vous êtes étonnante. Vous vous baignez, vous vous jetez dans l'herbe, et hop, vous vous endormez. Je travaille trop, Marie. D'où vient cette musique? Une noce berrichonne. Ruban à la cornette ou à la boutonnière, ils vont chez le fiancé attacher une branche de laurier au manteau de la cheminée. Ce soir, 3 bouts de chandelle, force piquette, une cornemuse bien criarde, ce sera la fête. Et la nuit de noces? Oui. La mienne fut un désastre. Une pauvre fille épouvantée, violée par une brute. Les jeunes filles sont élevées comme des saintes et livrées comme des pouliches. La docilité et la résignation sont les seules vertus qu'on leur enseigne. C'est pour ça que je ne veux plus de maître. Même en amour. Je prends exemple sur mon père. Il n'en faisait qu'à sa tête. Lui, un aristocrate, il a épousé la fille d'un oiselier, vous pensez? Et vous, Marie, vous aviez fait un mariage de convenance, non? Oui, un de ces marchés cyniques. Une négociation de notaire, d'hypothèque, d'acte de naissance, de testament. Avec 1 million d'héritage, j'étais un très bon parti. J'avais eu un chagrin d'amour, alors j'ai dit que j'épouserais qui on voudrait. Et ce fut le comte Charles Dagout. Il m'a présenté des chiffres, des titres, des noms de châteaux. Un triste mariage. Maintenant, vous connaissez l'amour. Georges, si c'était aussi simple. Vous êtes tellement exaltée. Oh, Marie, je suis timide, en fait. Qui s'en douterait, hein? J'envie votre énergie, votre gaieté. C'est que... je ne reviens pas d'être libre, Marie. Vous êtes si semblable avec Liszt. Quand il se met au piano, il est pâle, il tremble, mais il commande. Peut-être que votre vitalité donnerait à sa musique toute son extension. Que voulez-vous dire? Que j'ai peut-être été une entrave entre vous. 2 artistes faits pour se compléter. Il est à vous. Et je n'aime pas le mensonge. Ni les épinards. Pardon, pardon. Je suis jalouse, Georges. Venez, je vais vous apprendre à pêcher. Vous valez 1000 fois mieux que moi, vous savez. Je me suis jetée dans notre amitié avec abandon, enthousiasme. Je suis heureuse aussi d'être votre amie. J'ai besoin, je crois, de faire partie d'une communauté. De faire du bien au service de tous, comme vous. Liszt me parlait tellement de vous. J'étais sûre que l'on s'aimerait. Georges, vous êtes un bon garçon. Je suis un peu nerveuse en ce moment. J'attends un enfant. C'est vrai? Attention, vous marchez là. Et quelle joie, Marie! Vous dites ça, mais moi, c'est mon troisième enfant et je ne sais toujours pas ce qu'est l'amour maternel. Aimer, dominer un enfant, s'aimer soi-même à travers lui, un instinct aveugle. La femme est-elle vraiment sublime quand elle allait de son enfant comme une chienne? Je ne sais pas, moi. Je crois que l'amour maternel, c'est de l'amour, c'est tout. Et est-ce qu'il faut vraiment escalader cette clôture? Mais venez, c'est un bon coin de pêche. Ah, ah, j'ai déchiré mon jupon sur le clou. Chut, princesse, entrons dans la rivière. Vous pêchez sans filet, à la main? Moi, je fais ça depuis toute petite. Le courant est là, regardez. Il y a qu'à attendre. Il s'attarde dans les roseaux, s'écarte dans les trous sous la berge. Et hop, hop, hop. Oh, voilà, regardez. Une ablette. Elle passe entre mes pieds. Ah, il y en a un qui arrive. Un petit goujon. Lui, il est pour moi. Quel enfant. La nuit. Marie se promène entre les arbres. Cette petite femme avec sa robe pâle a choisi de vivre sa passion sans hésiter. Moi aussi. Vivre enfin la vie que j'ai choisie. Les enfants sont couchés. Je leur ai lu un conte. La belle aux cheveux d'or. La bonté récompensée. Voilà un bel exemple. Est-ce qu'on lit des contes au collège? Pierre Leroux dit que le progrès humain est logique. Il va vers toujours plus d'égalité. Et grâce à quoi? L'éducation. Il faut que le baron me laisse instruire Maurice. La lettre arrivera demain matin, j'espère. 23h ce 14 juin 1837. Sur la terrasse entourée de fuchsia dans l'odeur du citronnier, à côté de Marie Dagout et de François Rollina, George Sand est assise, vêtue à l'orientale, d'un pantalon rouge et d'une tunique de soie. La lune se lève derrière les grands tilleuls. C'est chez Marie que George avait rencontré Pierre Leroux, fils d'un limonadier, place des Vosges. Il avait fait de brillantes études qui l'avaient mené aux portes de Polytechnique avant de devoir travailler comme typographe. Il a théorisé le socialisme républicain. Mais la révolution de 1830 fut un échec. Louis-Philippe a succédé à Charles X. Franz, vous ne l'avez pas trouvé? Du tabac turc, Marie? Oui. Qu'est-ce que vous cherchiez? Un journal. Celui que Pierre Leroux écrit avec les canuts. Leroux a inventé un mot. Socialisme. Je crois que ce mot réalisera vraiment la Déclaration des droits de l'homme. Tous égaux en droit. Georges ne jure que par lui. Bientôt, on lira Leroux comme on lit Rousseau. Je ne vous ai jamais raconté. Ma grand-mère avait invité Rousseau chez elle. Elle voulait lui parler, mais en le voyant, elle a fondu en larmes. Jean-Jacques a voulu la remercier, et il a fondu en larmes aussi. Finalement, ils se sont quittés sans s'être dit un mot. Vous ne travaillez pas ce soir? Mon ami François est là. Pour une fois? D'habitude, quand je viens, tu as toujours quelque chose à finir sans délai. À 200 francs la page. Si je veux un précepteur pour Maurice, il ne faut pas lambiner. Mon éditeur ne veut pas m'augmenter. J'ai menacé de le quitter. Et puis, il lâche un peu trop à mon goût la monarchie dans sa revue des deux mondes. Mais que veux-tu? J'ai Nohant et toute ma maisonnée sur les bras. Tu en feras un phalanstère, une utopie socialiste. Il sera bien attrapé. Tu ne crois pas si bien dire. En 1830, nous avons manqué notre révolution. Mais à notre niveau, nous pouvons changer des choses. Je suis pour le progrès dans le quotidien. Oui, mais comment tu comptes t'y prendre? Tu sais ce que c'est d'être propriétaire? Connaître les prix du blé, du fourrage, le rendement des terres. Oui, et renouveler les baux des métayers. Faire entrer les fermages, c'est cela être le maître. J'exécre ce rôle-là. Le pouvoir absolu de celui qui possède sur celui qui n'a rien. Et tu crois que tu peux changer ça? Disons, juste essayer de réduire l'inégalité. Avec des fermiers instruits, on pourrait utiliser de nouvelles techniques. Cultiver des fourrages artificiels, améliorer la terre avec de la chaux. J'en ferai des fermiers associés. Une sorte d'association aux intérêts communs. Comme 100 musiciens qui jouent ensemble une symphonie. La vraie république. Madame, il y a un monsieur, Bocage quelque chose. Bocage, d'où sortez-vous? De Paris. Vous vouliez me voir, n'est-ce pas? Moi? Qui vous a dit ça? Enfin bon, j'adore qu'on débarque à l'improviste. Asseyez-vous. Voici mes amis, François, Franz et Marie. Bocage, l'acteur préféré de Victor Hugo. Oh, c'est drôle, j'ai rêvé de lui cette nuit. On avait rendez-vous, j'y allais masquer. Et le voilà. Yeux bleus sombres, beaux, si romantiques. Il y a quelque chose entre vous, Georges ? Un malentendu. Mais je vous ai interrompu. Nous parlions de Pierre Leroux. Ah oui, le socialiste. Moi, je suis pour tout renverser d'un coup, le Louvre réduit en cendres, Paris rendu aux lingères et aux charpentiers. Comment pouvez-vous dire ça ? À Lyon, les canuts, quand le tarif du velours est passé de 4 francs par jour à 18 sous, ils ont fait la grève. Voilà la bonne réponse. La violence, laissez-la à la troupe. Là, monsieur, doucement, je suis fils de toilier. 4 francs ou 18 sous, c'est la même misère. Je vous le dis, sans une insurrection générale, les puissants se cramponneront toujours aux privilèges, comme à un droit sacré. Une transformation subite et miraculeuse, je n'y crois pas. L'action violente est toujours un échec. Pierre Leroux le pense aussi. Et 1789. Avec vous, la République n'est pas prête de revenir. Et vous, vous ne dites rien ? Bocage. François est adjoint au maire de Châteauroux. Moi, je vais vous parler de réformes parlementaires, de députés qui légifèrent. Voilà ce qui est nécessaire au progrès social. Des lois. Mais les Républicains ont échoué aux élections de 34. Vous êtes tous des conservateurs. Georges, je veux vous convertir à la Révolution. Sinon, vous me ferez guillotiner ? Non, sûrement pas. Je veux que vous m'écriviez un drame pour le théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est pour ça que je suis venu. Je vous l'ai déjà dit à Paris. Je vais vous l'écrire. Puisque vous persistez à croire que ce sera un succès... Comment savoir si dans la vie un acteur joue ou s'il est sincère ? Un acteur ressent tout dans la vie bien plus intensément que nous. Justement par habitude des émotions et de la poésie. Oh Georges, vous êtes si belle quand vous prenez ma défense. Pardonnez-moi. François, tu ne pars pas, j'espère. Je pensais m'éclipser discrètement. Je dois être à Châteauroux demain matin. Je voulais seulement m'assurer pour la bière. Ah, j'aurais bien aimé reparler de Maurice avant que tu partes. J'ai compris, Georges. Je vais trouver un précepteur pour Maurice. Je vais en parler autour de moi à Châteauroux. Merci. Tu es mon seul ami véritable, François. Adieu sommeil, il fait trop beau. Je n'ai pas envie d'aller me coucher. Si je faisais une balade à cheval, mon nouveau cheval est pété de sang, vif comme un papillon. À peine il me voit, il frappe du pied et rue d'impatience jusqu'à ce que je lui passe sa belle bride turque en fil d'Écosse. Les franges lui battent les yeux, elles rendent fou. Avec un peu de chance, on sera à temps sur la colline pour voir le soleil se lever. 15 juin 1837, au petit matin. Tous les invités ont passé la nuit sur la terrasse. Georges, qui somnolait dans un fauteuil, a été réveillé par les bruits de la ferme. Elle s'approche de Marie endormie. Marie ? Marie ? Vous m'accompagnez ? Quoi ? Où ça ? Par le lever du soleil. J'ai un excellent cheval pour vous. Ah, je l'aime, ce cheval ! Au moindre son de ma voix, il bondit comme une balle et franchit 100 toises à la seconde. Georges, vous exagérez encore. Quelle bonne idée, Georges. C'est tellement beau. Les lointains perdus dans la nuit. Les prairies, les champs, les gazons blancs de rosée. Vous voyez où nous sommes ? Là-bas, c'est le moulin des Buissons. Et la métairie au toit de chaume, c'est Côte-Noire ? C'est là que vous m'emmenez ? Non. Par là, c'est toujours boueux. Quand j'étais enfant, une nuit qu'on revenait à Nohant avec ma mère, le fiacre s'est embourbé. Plus moyen d'avancer. C'est le métayer qui nous a tirés de là. Quelle fête dans sa chaumière quand on m'a couchée dans de gros draps bien blancs près d'un feu de bruyère sèche. Marie, par là. Non, c'est un champ de seigle. Bon. Bon, alors prenons par le talus. Allez, on y est. Regardez, y a-t-il rien de plus beau ? Le soleil qui se lève sur la vallée noire. Un petit galop ! Ce cheval vous rompra le cou ! J'aime boire mon thé seul dans la cuisine. Elle est beaucoup mieux comme ça, sans les meubles du baron. Il finira bien par se lasser et à me laisser vivre en paix. Dès que je recevrai sa lettre. Midi. Que ce soit à Nohant, Paris ou Venise, Georges Sand a la même vie. À 22h, elle se retire et travaille jusqu'à 7h du matin avec café, cigarettes et carrés de chocolat. C'est ainsi qu'elle a écrit 100 romans, des centaines de pièces de théâtre et d'essais. Bientôt, elle terminera les Maîtres mosaïstes, puis elle sera rappelée à Paris au chevet de sa mère. Hélas, comme elle le craignait, le baron, profitant de son absence, viendra enlever leur fille Solange, âgée de 9 ans. Elle sera rendue à Georges par les gendarmes. En septembre 1837, paraîtra Mauprat, un roman d'inspiration socialiste et féministe, ce sera un énorme succès. Puis, Chopin entrera dans sa vie. Tout le monde est parti. Ça fait toujours un peu quelque chose. Il y a du courrier. Montrez. C'est son écriture. Une lettre du baron. Il accepte. Félicie. Maurice reste ici. Il repart pas au collège. Une bouche de plus à nourrir. Oh, Françoise. Qu'est-ce que t'as dans du nez, Félicie? J'attends la centaine, moi. J'ai envie de danser. Tourne ton chaudron, que la confiture n'attache pas. Quand Franz et Marie seront partis, j'irai à Châteauroux trouver un précepteur. Et puis, je pourrai de nouveau travailler sans aucune distraction. Je dois penser à mon prochain livre. Avancer comme un cheval au galop. Dans l'ivresse du danger. Car des dangers, j'en rencontrerai d'autres, c'est sûr. Mais j'ai confiance dans ma plume. C'est elle qui garantit ma liberté. Hier, je doutais. Ce matin, j'ai confiance. J'ai 33 ans. Je suis belle. Et rien ne m'empêchera de vivre comme je l'entends. Bientôt, ce sera l'automne. À Nohant, les saisons se succèdent. Et le temps ne passe pas. George Sand, 1837, Un été à Nohant de Christine Spianti, avec George Sand, Garance Clavel, Franz Liszt, Yann Tassin, Marie Dagou, Caroline Borderieu, Françoise Hortense Mont-Saint-Jean, Félicie Camille Clarisse, François Rollina, Adrien Michaud et Bocage, Pierre-François Garel, Brutage Sophie Bissens, prise de son montage et mixage Antoine Vieussat et Manuel Couturier, assistant à la réalisation Pablo Valero, réalisation Cédric Ossire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur George Sand à Nohant avec mon invité Michel Perrault. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. This is a waltz thinking. Given, oh. Suspirium de Thom Yorke sur France Inter, autant n'emporte l'histoire. Une émission réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Rémi Sistiaga. Michel Perrault, vous écrivez dans votre livre à quel point la postérité va donner à George Sand l'image d'une bonne dame vieillissante, une grand-mère un peu bourgeoise. En réalité, on s'en rend compte, George Sand était une femme extrêmement en avance sur son temps. Cette communauté qu'elle crée à Nohant, c'était tout à fait novateur. Elle était en avance sur presque tous les points, dans sa vie privée et dans son projet de communauté et aussi dans son écriture. Parce que être une femme écrivain, elle disait « je ne suis pas une femme auteur, hein, je suis un écrivain ». Oui, elle était en avance à tout point de vue. Oui, on pense par exemple à Virginia Woolf, vous la citiez tout à l'heure, qui rêvait d'avoir une chambre à elle, une chambre à soi, pour pouvoir écrire. Elle, bien avant, donc George Sand réussit à avoir une maison, une propriété, où elle va non plus être une épouse asservie, mais la maîtresse de maison, recevoir, ouvrir ce lieu à l'extérieur, aux artistes. Elle invite Franz Liszt, Marie Dagou, on l'a vu, mais bien d'autres. D'autres artistes, écrivains, musiciens vont venir dans ce lieu. Absolument. Toutes les grands noms du 19e siècle en littérature et musique se sont croisés là. Hein. Chopin, bien sûr. Pauline Viardot, qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est une grande cantatrice, un équivalent de la Callas au 19e. On lui consacrera d'ailleurs une émission bientôt. Tant mieux, parce qu'elle mérite d'être connue vraiment. Tourguenieff, bien sûr, Balzac, on en a parlé, Fromentin, Alexandre Dumas-fils, c'est important, parce que lui, il est un homme de théâtre. Hein, Bocage, qui voudrait qu'elle écrive pour le théâtre. Mais à ce moment-là, elle n'y arrive pas. Elle va devenir, sous le Second Empire, un grand auteur de théâtre qui ne nous parle plus beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs, comme la plupart des pièces du 19e, mais qui a eu, à l'époque, énormément de succès. Hein. Elle accueille tout, elle écoute tout, et nous n'avons pas parlé aussi de son goût, on a évoqué son goût de la nature, mais il faut voir que son goût de la nature, c'était comprendre le monde. Hein. Comprendre le monde qui n'a pas été fait par Dieu. On est en marche vers Darwin. Hein. Oui, elle est très au fait des connaissances scientifiques. Très, très au fait. Et notamment, elle voulait apprendre la géologie. Parce qu'elle pensait que dans la structure de la Terre qu'on commençait à déchiffrer, on allait comprendre les âges de la Terre. Et ça, ça l'a passionnée absolument. En quoi la vie originale à Nohant a-t-elle été inspirée par les idées socialistes de ce Pierre Leroux, un socialiste un peu oublié aujourd'hui ? Oui, elle était devenue républicaine après la révolution de 1830, comme Liszt et beaucoup d'autres, mais ça lui suffisait pas. Il y avait eu les Canuts, il y a eu la répression de Lyon, de Paris, la rue Transnonain. Elle est devenue socialiste à ce moment-là. Elle s'est tournée beaucoup vers Saint-Simon, Fourier aussi, mais un petit peu moins, et finalement l'homme qui l'a convaincue, elle dit c'est vraiment le seul que je comprenne vraiment, c'est Pierre Leroux. Il a beaucoup écrit et son socialisme était un socialisme de synthèse, c'est-à-dire qu'il voulait relier la République et le socialisme. La République, oui, absolument, mais il fallait créer l'égalité, il fallait lutter contre le paupérisme. On est en pleine révolution industrielle et les paysans sont aspirés par les manufactures et il y a création d'un prolétariat pauvre, complètement démuni, qui non seulement ne gagne rien, mais en plus a perdu ses racines. Alors Pierre Leroux essaie de réfléchir à tout ça, de donner des solutions humaines, généreuses, non violentes. Il était réformiste, il n'était pas violent. George Sand dit à plusieurs reprises qu'elle refuse d'avoir un maître et elle va essayer, au niveau de sa maison, de changer les rapports justement entre maître et valet. Comment les domestiques vivaient justement cette situation à Nohant ? Nohant était une bonne maison. où on cherchait à venir parce qu'on était mieux payé qu'ailleurs, mieux traité qu'ailleurs, sans aucune morgue, sans aucune humiliation, où les petites filles apprenaient à lire. Bon, on était bien traité. Mais George Sand elle-même réalisait que la relation maître-serviteur est une relation de servilité. Certains, d'ailleurs, la vivaient mal. Françoise, qu'on a entendue dans la pièce, après avoir adoré George Sand, s'est affranchie d'elle de manière parfois brutale et dramatique. Tout ça a amené George Sand à réfléchir à la domesticité. Dans Histoire de ma vie, elle écrit que les serviteurs ne doivent plus être des serviteurs. Il faut qu'ils deviennent des fonctionnaires de notre intérieur. C'est-à-dire des gens salariés, plus de liens personnels et plus ces gages qu'on donne une fois par an, comme ça, avec la possibilité pour un maître de renvoyer la personne de façon extrêmement désinvolte. George Sand le dit elle-même, elle a voulu réaliser un rêve à Nohant. Est-ce qu'on peut dire, à votre avis, qu'elle l'a vraiment réalisé, ce rêve ? Parfois, il y a eu à Nohant des moments vibrants, sublimes. La musique, l'échange des amitiés, des cœurs, le rêve, l'engagement aussi. Parce que le groupe des Berrichons, dont on n'a pas beaucoup parlé, les copains Berrichons. Oui, ça c'est très beau, parce qu'elle mélange les gens. Absolument. Et elle s'appuie sur les jeunes gens qu'elle a connus dans sa jeunesse. François à la Rollina. Rollina, qui est à Châteauroux. Mais à La Châte, il y avait une petite intelligentsia de jeunes gens qui allaient à Paris apprendre la médecine et le droit. Et tous ces jeunes gens-là, enfin tout au moins ceux qui l'aimaient, étaient républicains. Alors avec eux, elle aurait voulu implanter la République dans le Berry, ou tout au moins diffuser les idées républicaines révolutionnaires en 1848. C'était vraiment un objectif vibrant et important. George Sand va vivre encore de longues années à Nohant. Il y aura d'autres amants, entre autres Frédéric Chopin, d'autres voyage aussi, jusqu'à sa mort à Nohant le 8 juin 1876. Dire un mot, si vous permettez, juste un mot d'Alexandre Manceau, qui pendant son dernier amour, et c'est lui qui lui a conseillé de tenir des agendas quotidiens. Grâce à ces agendas, nous connaissons depuis 1851 le quotidien de Nohant jusqu'en 1876, qui est extraordinaire. Merci beaucoup Michel Perrault. Votre livre, le conseille vivement, George Sand à Nohant, une maison d'artiste, publié dans la collection La Librairie du 21e siècle, publié au Seuil. Autant n'emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Excellente soirée sur France Inter.